On va parler avec notre ami Wallet du site internet leblitznfl.com. Salut Wallet. Salut Dan, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Wallet, on va y aller avec ton. On va y aller d'abord avec ce qui a retenu l'attention la semaine passée dans la NCAA. C'est vraiment Jalen Hurst, le carrière d'Oklahoma, qui a été fumant contre Houston. C'est sûr que Houston, c'est pas la grosse université, là. Faut s'entendre. Et il a fait une très très bonne entrée en scène. Oui, effectivement, là, comme tu viens de le mentionner, là, il a connu probablement la plus grosse fin de semaine, là, les meilleures statistiques, pardon, de la fin de semaine. On parle ici là, de 332 verges aériennes. C'est un senior, je pense, hein? Oui, dans le fond, ça, c'est un des règlements là, qui a été établi dans la NCAA. Même s'il y a eu beaucoup de transferts dans la dernière année, si tu es un senior, puis que tu as déjà gradué, dans le fond, que tu as fini tes cours académiques, mais que techniquement, il te reste une année d'éligibilité, tu peux changer d'université sans avoir à attendre. Donc, on l'a vu là, cette année, il y a beaucoup de joueurs qui ont été capables de changer sans avoir à attendre, mais Jalen Hurts l'a fait sans aucun problème. Il n'avait pas besoin de se justifier de pourquoi il voulait aller à l'Université d'Oklahoma. Puis, vraiment très intéressant là, de voir ce qui se passe à Oklahoma. C'est le troisième corps arrière en 3 ans que coach Lincoln Riley recrute d'une autre université, puis qui connaît des débuts le fracassant. Comme j'allais dire, le 332 verges aériennes pour 3 touchés, puis on rajoute à ça 176 verges au sol pour 3 touchés. C'est des chiffres qui n'ont jamais été vus à l'Université d'Oklahoma. Puis, comme tu as mentionné, Houston, c'est pas la plus grosse université, mais quand même, là, ça l'augure bien là, pour le reste de la saison. OK. Dis-moi, est-ce que c'est un petit carrière? Si tu as un prospect NF, parce que c'est un carrière qui court beaucoup avec le ballon, c'est quoi? Honnêtement, c'est ça. En ce moment, c'est assez difficile à dire. Là. La NFL ont vraiment pris différentes tangentes dans les dernières années. Je vais juste prendre, par exemple, le repêchage de l'an dernier. Prendre le repêchage de l'an dernier, puis mêler en 2010. C'est sûr et certain que Dwayne Haskins, c'est probablement le premier gars qui sort parce que c'est un gros gars avec un gros bras, puis c'est ça que les équipes de la NFL recherchaient. Kyler Murray n'aurait pas été le premier choix au repêchage, mais là, regarde, Jalen Hurts a connu un très bon premier match. Est-ce qu'il y a un bras aussi bon que Kyler Murray ou Baker Mayfield? Je pense pas, mais c'est déjà mieux que ce que j'ai vu à Alabama, puis ça semble vouloir se développer. Il y a déjà des mock drafts ou des repêchages, des faux repêchages qu'ils placent en première ronde du prochain repêchage. Moi, je pense que ça va être une histoire qui va être intéressante à suivre là, tout au long de la saison, voir si Jalen Hurts va être en mesure d'être le troisième corps arrière en 3 saisons de Oklahoma et être repêché le premier dans la NFL. OK. Vas-y avec ton top 10 maintenant de la première semaine. Ben écoute, le top 10, comme que je t'expliquais dans notre chronique de début de saison, je fais ça avec trois autres collègues du site du Blitz. Ouais. Donc, en 10e place, je vais commencer par la fin. À vrai dire, ça va être la 11e et 10e place. Ils ont eu le même nombre de votes. C'est Notre Dame puis Florida. Je pense que Notre Dame, on connaît une bonne deuxième demi contre Louisville, mais ça a été un petit peu inquiétant leur première demi. Puis, on veut en voir plus. Même son cloche pour Florida. Après ça, en 9e place, t'as Auburn, qui, selon moi, ont eu le meilleur résultat de la fin de semaine. Une grosse victoire contre Oregon. Ils sont venus très, très fort spécialement, là, au 4e quart. Je pense que c'est une place méritée. Par la suite, t'as Texas qui bouge pas vraiment. Puis le reste du top 7, là, c'est non changé. Donc, Michigan en 7e place, LSU en 6e place. On finit ça dans le top 5 avec Ohio State, Oklahoma, Georgia, Alabama, Clemson. C'est pas vraiment des surprises, là. C'est des équipes qui ont pas eu de grosse adversité à la semaine 1. Donc, pas beaucoup de changements à ce niveau-là. OK. Match à surveiller la semaine, moi j'en ai un, c'est 19h30, LSU contre Texas. C'est le gros match à fin de semaine à moi. Oh, effectivement, là, c'est plus qu'un gros match. Il y a beaucoup de gens qui disent on aimerait ça voir des éliminatoires à 8 équipes. Puis je commence à me réchauffer à cette idée-là. Mais ça, littéralement, c'est un match de série. Là. L'équipe qui gagne ce match-là se positionne de façon exceptionnelle pour faire les éliminatoires. Là. L'équipe qui va gagner le match qui reste parfaite pour le reste de la saison devrait se qualifier pour les éliminatoires. Puis, je veux pas dire que l'équipe qui va perdre ne fera pas les éliminatoires, mais la route ne sera pas aussi facile. Donc, c'est un très, très gros match. Puis en plus, c'est le samedi soir à 7h30. Il n'y a pas une plus belle plage horaire là, pour un match comme ça. Juste avant, juste après le match entre Bianca et Serena Williams en passant, juste pour le fun comme ça. Y a-tu d'autres matchs à surveiller en passant? Ben moi j'ai peut-être trois autres matchs là, qui m'intéressent là. À 3h30 sur le même poste à ABC, tu as Texas A&M qui se déplace à Clemson pour affronter les Tigers. Je pense que ça va être de loin le plus gros test de la saison de Clemson. Puis comme que je mentionnais là, quand on s'est parlé en début de saison, Clemson sont, on le sait, leur offensive est excellente. C'est vraiment la défensive là, qui a un petit bémol, je te dirais. Là. C'est pas que la défensive n'est pas bonne, c'est que les joueurs sont jeunes, ils ont jamais vraiment joué ensemble. Puis là, ils affrontent une offensive élite avec Kalen Mond au poste de corps arrière. Je pense que ça va être un match intéressant. Puis quand je le dis, le test de la saison pour les Tigers de Clemson. Puis sinon, là, vite, là, deux autres matchs qui m'intéressent, juste parce que je veux voir la progression des deux équipes. C'est au niveau dans la Big Ten. C'est deux matchs qui sont joués à midi, un sur ABC, l'autre sur Fox. Tu as Cincinnati qui se déplace en Ohio pour aller jouer contre Ohio State à Columbus. Puis tu as Army qui se déplace pour aller jouer contre les Wolverines du Michigan à Ann Arbor. Je m'attends à deux matchs probablement plus serré que qu'est-ce qu'on annonce. Cincinnati qui n'ont pas une mauvaise équipe. Ohio State qui ont eu une bonne première demi la semaine dernière, mais la deuxième demi, c'est un peu en dents de scie. Puis du côté de Michigan, Michigan, ils viennent d'accorder 21 points contre Middle Tennessee, qui sont très, très petite université. Puis là, tu dois affronter une équipe comme Army qui, eux, vont jouer du triple option. Beaucoup de jeux au sol, beaucoup de jeux truqués. Très difficile de lire ce que l'offensive va faire. Donc, ça pourrait être un match surprise pour Michigan. Je m'attends pas à une défaite des Wolverines, mais je m'attends pas à une victoire. Je pense qu'en ce moment, les Wolverines sont favoris par 20 ou 21 points. Je m'attends pas à une victoire de 21 points là, pour la troupe de John Harbaugh. OK. Ben, Wallet, très intéressant. On se reparle vendredi prochain. Parfait. Salut, Danny. Bonne fin de semaine. Danny, c'est de parler avec Wallet.